Chapitre 8e, la maison d'Onslow Crescent. Harry, en s'éloignant de Bolton Street, ne savait trop s'il marchait sur sa tête ou sur ses pieds. Burton lui avait dit de ne pas faire de toilette pour aller chez lui. « Nous ne donnons pas de grands dîners de cérémonie, » lui avait-il dit. « Nous faisons les choses en famille. » Harry se rendit donc à Onslow Crescent chez Theodore Burton. Mais bien qu'il suivît sans trop s'écarter le chemin qui mène à Piccadilly, ses idées étaient dans une telle confusion qu'il savait à peine où il allait. Une nouvelle voie venait de s'ouvrir devant lui, et il lui semblait qu'il allait être entraîné dans cette voie malgré lui. Il lui semblait qu'il allait forcément jouer un rôle dans l'histoire terrible de Lady Ongar, faire partie de sa vie étrange. Cette comtesse, avec sa fortune, son rang, sa beauté, son esprit, l'avait invité à venir chez elle, lui avait dit qu'il était son unique ami. Naturellement, il avait dû lui promettre son amitié. Comment pouvait-il la refuser à une femme qu'il avait tant aimée autrefois? Mais à quoi pouvait le mener une pareille promesse? À quoi ne l'aurait-elle pas déjà conduit sans Florence Burton? Elle était jeune, libre et riche, elle n'affectait aucun regret pour le mari qu'elle avait perdu, et parlait de lui comme si elle ne se fût jamais considérée comme sa femme. Lady Ongar était la même Julie qu'il avait aimée, dont il avait été aimé, qu'il avait en quelque sorte repoussée, et dont l'abandon l'avait jeté jadis dans un si profond désespoir. Naturellement, elle devait s'attendre à renouer les liens rompus entre deux, à moins qu'elle ne le sût fiancée à Florence. Mais si elle en était informée, pourquoi ne lui en avait-elle pas parlé? Était-il possible qu'elle n'eût pas d'amis, que chacun l'eût abandonné, et qu'elle fût seule au monde? Il repassait ensuite dans son esprit le récit étrange qu'elle lui avait fait. Ses souffrances auprès de cet homme, la cruauté de celui-ci, sa fin terrible, et la fermeté inouïe de sa femme auprès de sa couche, d'où s'éloignaient même les gardes malades payés pour le soigner. Il ne douta pas un instant de la vérité de ce récit. Il n'était pas possible d'en douter. Tout s'était passé comme Lady Ongar le lui disait. Sir Hughes lui-même, qui mettait en doute les paroles de tous les hommes et croyait toutes les femmes fausses sans aucune exception, Sir Hughes aurait cru à la véracité de Lady Ongar. Mais, se disait-il ensuite, elle avait mérité les souffrances qui étaient venues s'abattre sur elle. Harry, qui éprouvait pour elle une véritable tendresse, ne pouvait se dissimuler qu'elle avait eu des torts. Elle s'était vendue, comme elle l'avait dit elle-même, plus d'une fois. Elle s'était donnée un homme qu'elle n'aimait pas, et alors que son corps appartenait à un autre, un homme qui n'avait pu lui inspirer que du dégoût et du mépris, quand elle avait mis sa main dans la sienne devant l'autel. Naguère encore, elle parlait avec un écrasant dédain de ses violences, de ses bassesses, de sa cruauté. Maintenant, elle portait le nom de cet homme, possédait son rang, sa fortune, mais elle était seule et sans amis. Harry Clavering se disait donc qu'elle avait mérité son sort et néanmoins il lui pardonnait tous ses torts. Ses souffrances avaient expié ses fautes, et lui avait mérité son pardon. S'il pouvait la secourir dans ses peines, il le ferait avec plaisir, comme un frère le ferait pour sa sœur. Il devenait nécessaire pourtant de l'informer de son engagement avec Florence, si elle l'ignorait. Mais, se dit-il ensuite, elle devait le connaître. Elle n'aurait pas pu lui parler comme elle l'avait fait, si elle ne l'avait pas connu. À l'époque de leur dernière entrevue dans les jardins de Clavering, il lui avait amèrement reproché sa perfidie. Maintenant elle venait à lui, les bras ouverts, lui confier ses peines et l'assurer qu'il était son seul ami. Tout cela ne pouvait avoir qu'une signification, à moins qu'elle ne sût qu'il ne pouvait plus être son mari. Il lui était agréable de penser qu'elle l'avait choisi pour le confident de ses douleurs, qu'elle n'avait voulu conter qu'à lui sa lamentable histoire. Je crois même que le rang et la fortune de Lady Ongar ajoutaient bien quelque chose à l'orgueil qu'il éprouvait d'être son confident. Se voir l'ami d'une comtesse veuve, jeune, riche et belle, était quelque chose qui n'arrivait pas à tout le monde, et cela le mettait bien au-dessus de ses collègues dans les bureaux de M. Bailby. Pour un homme fiancé à une autre, la position de confident d'une jolie veuve n'était pas sans danger. Mais ce serait son devoir d'en triompher. Pour pouvoir en triompher, cependant, il fallait faire connaître sa position à Lady Ongar. Tout en continuant sa route, il se mit à songer à la position où il se trouverait s'il n'avait jamais connu Florence Burton. D'abord, se demanda-t-il, aurait-il pu se résoudre à épouser une comtesse veuve, et surtout une comtesse qu'il aurait repoussée auparavant? Il se croyait capable de pardonner cela, si son cœur était resté le même. Mais tel n'était point le cas, et ses affections s'étaient reportées sur un autre. Nulle comtesse au monde, avec ses plus beaux parcs et les plus gros revenus, ne pouvait être aussi douce, aussi aimable, aussi bonne, ne pouvait faire une aussi charmante femme que Florence Burton. Il savait du reste ce qui arrive lorsqu'un homme sans titre épouse la veuve d'un lord. Celle-ci conserve d'ordinaire le nom de son premier mari, à moins qu'elle n'y renonce formellement. Il aurait à coup sûr préféré que Lady Ongar s'appelât Mrs. Clavering, si jamais elle était devenue sa femme. Mais il ne voyait aucune nécessité pour elle d'abandonner rien autre de ce que lui avait légué son défunt mari. À 6h30, l'heure indiquée par Theodore Burton, Harry se trouva à la porte de la maison dans Hounslow Crescent, et il fut aussitôt introduit dans le salon. Il savait que M. Burton avait de la famille, et il s'était imaginé une maison mal tenue et mal propre avec une femme sans grâce, à l'air de matrone, la parcourant avec un baby sur les bras. Tel devait être l'intérieur d'un homme qui essuyait ses souliers avec son mouchoir de poche. À sa grande surprise, il se trouva dans un joli salon des plus élégants qu'il eût jamais encore vu, et sur un canapé était assise une des femmes les plus jolies qu'il eût jamais rencontrées dans sa vie. Grande et mince, elle avait de grands yeux noirs, des sourcils bien arqués, la figure ovale et la bouche la plus mignonne, la plus gracieuse qu'ait jamais possédée une femme. Ses cheveux, d'un noir foncé, se partageaient en nattes luisantes sur son front pour aller se réunir dans un simple nœud derrière la tête. À ses côtés, sur une chaise basse, était assise une petite fille aux cheveux blonds d'environ 7 ans, qui faisait semblant de travailler au crochet, et agenouillée sur une chaise plus élevée, devant la table du salon, était une fillette de 3 ou 4 ans qui était absorbée par ses joujoux. « Monsieur Clavering, lui dit la jeune femme, « je suis bien aise de vous voir, bien que je vous en veuille un peu d'avoir tant tardé à venir nous voir. J'ai beaucoup entendu parler de vous, vous devez le savoir. » Harry lui répondit qu'il était depuis très peu de temps en ville, et ajouta qu'il était heureux de savoir qu'on avait bien voulu s'occuper de lui. Puisqu'on a cru devoir vous accepter, il était naturel qu'on parlât de vous dans notre famille. Peut-être ne méritais-je ni l'un ni l'autre de ces honneurs, dit-il. Soit, je ne veux pas encore vous flatter, mais comme je regarde notre Florence comme la jeune fille la plus accomplie que je connaisse, je ne la crois pas capable de faire un mauvais choix. Si, si, ma chère, voici M. Clavering. La petite Sissi quitta sa chaise et s'avança vers lui. « Maman dit que je dois bien vous aimer, » dit-elle en présentant son front à ses baisers. « Mais il ne fallait pas dire que je vous avais fait la leçon, » reprit Mrs. Burton, en riant de très bonne humeur. « Eh bien, je vous aimerais beaucoup aussi, » dit Harry, en la prenant dans ses bras. « Pas autant que ma tante Florence, n'est-ce pas ?» Harry resta confondu. Toute la famille était dans le secret. Tous ceux qui avaient des rapports avec les Burton avaient été mis au courant de cette affaire, et ils en parlaient tous comme d'une chose ordinaire et bien connue. La discrétion n'était pas la vertu des Burton, et ils ne pouvaient s'empêcher de le reconnaître, bien qu'il fût en ce moment prévenu en faveur de la famille par la grâce de Mrs. Burton et de ses enfants. « Voici une autre de vos filles ?»« Oui, une autre de vos futures nièces, Monsieur Clavering. Mais je suppose que je puis vous appeler Harry, n'est-ce pas ?» « Je m'appelle Cécile. Voici Miss Impertinente. »« Je ne suis pas Miss Impertinente, » reprit vivement la jolie petite fille, arrondie en boule sur la chaise haute. « Je suis Sophie Burton. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. » Harry se trouva au bout de 10 minutes parfaitement à son aise, et avant le retour de M. Burton, on l'avait conduit à l'étage supérieur, dans la nurserie, pour y voir dans son berceau l'héritier du nom, le jeune Theodore Burton, âgé de quelques mois seulement. Maintenant, vous nous avez tous vus, dit Mrs. Burton. Nous allons descendre et attendre mon mari. Nous ne dînons qu'à 7 heures. Vous saurez cela pour une autre fois. Mais je vous ai fait venir une demi-heure plus tôt pour avoir le temps de vous voir et me faire une opinion à votre sujet. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Puis-je savoir quelle est cette opinion? Si vous voulez la connaître, adressez-vous à Florence. Je lui en ferai part. Et sans doute elle vous la communiquera. Vous dit-elle tous, sans faire de secret. Pour moi, je n'en ai aucun pour elle, dit Harry, qu'il ne put se défendre d'un petit remords de conscience en pensant à son entrevue avec Lady Ongar. Ce jour-là même, il s'était passé des choses qu'il ne pouvait assurément pas lui faire connaître. « Vous faites bien, continuez ainsi, » reprit Mrs. Burton en lui posant familièrement la main sur le bras. « Vous ne pouvez vous attacher à une femme de cœur et d'âme qu'en lui montrant que vous avez en elle une entière confiance et ne lui cachez rien. Théodore agit ainsi avec moi, et je lui en suis reconnaissante. J'espère que vous serez aussi bon pour Florence qu'il l'est pour moi. Nous ne pouvons pas être parfaits tous les deux, voyez-vous. Ah bien, vous vous moquez de moi. Ainsi fait Théodore quand je monte sur ce qu'il appelle mes grands chevaux. Je me demande si vous avez autant de bon sens que lui. » Harry se dit tout bas que lui au moins ne porterait pas de grande file. « Je ne sais pas, dit-il, si j'ai beaucoup de bon sens. Je sais que je fais beaucoup de folies et que j'y prends plaisir. Moi aussi, il y a des folies qui me plaisent. Que dites-vous, maman ? Interrompit Sissi. Vous allez voir que pendant 6 mois, on va me rappeler ce que je dis là quand je prêcherai la sagesse dans la nurserie. Florence est presque aussi sérieuse que son frère. Elle l'est beaucoup plus que moi. Tous les Burton débordent de bon sens et de sérieux. Et voyez, cela leur porte bonheur. On n'a jamais entendu dire qu'il leur soit arrivé malheur. Quelle que soit leur fortune, ils en ont toujours assez. Avez-vous vu une mère qui ait mieux su élever et placer ses enfants que la mère de Théodore? Quelle bonne et chère femme! Harry avait déjà entendu vanter à Stratton l'habileté de la vieille Mrs. Burton, et il se rappela involontairement ses succès en fin de mariage, quand il entendit sa belle-fille faire son éloge. Ils continuèrent de causer ainsi. Harry tenait Sophie sur ses genoux, jusqu'au moment où l'on entendait le bruit d'une clé dans la serrure de la porte de devant, et l'on devina aussitôt que le maître de la maison arrivait. « C'est Théodore, » dit sa femme en se levant vivement pour aller au-devant de lui. « Je suis bien aise que vous soyez arrivé ici un peu avant lui, parce qu'à présent je crois que je vous connais. Quand il sera ici, je ne pourrai plus placer un mot. » Elle descendit pour aller au-devant de son mari, et laissa Harry tout émerveillé à la pensée qu'une femme aussi charmante eût pu en venir à aimer un homme qui essuyait ses souliers avec son mouchoir de poche. Bientôt il entendit des pas sur les marches de l'escalier, et Burton, en entrant, amena avec lui un autre convive qu'il présenta Harry comme étant M. Jones. « Je n'attendais pas l'arrivée de mon frère, » dit Mrs. Burton, « mais j'en suis bien aise, parce que, naturellement, il vous faudra faire sa connaissance. » Harry éprouva quelque embarras. Il se demanda jusqu'où s'étendaient ces innombrables ramifications de famille. Serait-il aussi forcé d'accepter les invitations de Mrs. Jones, et peut-être ensuite celles du frère de Mrs. Jones? Heureusement, sur cette dernière question, il fut bientôt rassuré en apprenant que M. Jones n'était pas marié. Jones, paraît-il, était l'éditeur ou le co-éditeur d'un grand journal quotidien paraissant le matin. « C'est un oiseau de nuit, Harry, » dit Mrs. Burton. Elle s'était mise à l'appeler Harry tout de suite, mais lui ne pouvait se résoudre à l'appeler Cécile. Il l'eût fait peut-être si son mari n'eût été présent, mais devant lui il en aurait rougi. « Mon frère, » reprit-elle, « se retire 9 heures pour aller huer, comme un vieux hibou dans un sombre repaire qu'il a en ville. Et puis, quand il dort à l'heure du déjeuner, ses cris retentissent alors dans la ville. » Harry était content de faire la connaissance d'un éditeur de journal. Ces gens, pensait-il, étaient d'importants personnages qui gouvernaient un peu le monde, n'ayant peur de personne, tandis que tous les autres ont peur d'eux. Il serra donc avec plaisir la main à M. Jones. Celui-ci avait la figure et le front d'un habile homme, mais il était très calme et paraissait presque soumis envers sa sœur et son beau-frère. Le dîner commença et au bout de quelques instants, Harry se trouva heureux et satisfait, bien qu'il fût arrivé avec l'intention de trouver quelque chose à blâmer. Les hommes et les femmes éprouvent souvent une disposition semblable, parce que sans en avoir conscience, ils ont quelquefois jugé leurs connaissances d'après quelques petits détails et les ont condamnés sans appel. Harry n'avait pas compté passer une soirée agréable, et il serait resté froid et réservé si cela eût été possible. Mais cela n'était pas possible et au bout de quelque temps, il était plein d'entrain et de gaieté. Il y avait une pièce de gibier, et il suivit avec une surprise agréable le travail gastronomique auquel se livrait Burton, occupé à préparer la sauce au poivre et au citron à l'aide d'un petit pot d'argent et d'un élégant réchaud. L'archevêque de Canterbury lui-même se livrant à cette opération délicate dans la salle à manger de son palais de Lambeth ne l'eût pas plus surpris que l'homme d'affaires grave et empesé qu'il voyait tous les jours dans son bureau de la Delphi. « Est-ce qu'il fait cela d'habitude ?» demanda Harry à Mrs. Burton. « Toujours, » reprit M. Burton, « quand j'en ai l'occasion. »« Détrompez-vous, » reprit Mrs. Burton, « c'est la première fois que pareille chose lui arrive. » « Un point de poivre, » dit le directeur de journal, resté silencieux depuis un bon moment. « Rappelez-vous cela pour votre usage, » répondit Théodore, « quand vous écrirez votre article ce soir. »« Je n'en prendrai pas, » dit Mrs. Burton, à qui son mari offrait du gibier. « Si j'avais su que vous dussiez déployer vos talents culinaires, j'aurais réservé un peu de mon appétit, mais c'est trop tard. » « En général, » dit Burton, « je ne crois pas que les femmes fassent aucune différence entre les mets. » « Je crois qu'un canard sauvage et du hachis de mouton auraient le même goût pour ma femme, si elle avait les yeux bandés. Cela me serait bien égal si elle n'était pas fière de cette espèce d'incapacité. Elle s'en fout un mérite. » « Tout comme certains hommes s'en font un de ne pas distinguer un air d'un autre. » Le dîner fini, Burton se leva. « Harry, aimez-vous le bon vin ?» Harry répondit affirmativement. « Les hommes ne sont jamais indifférents à l'endroit du bon vin. » Bien qu'on dise aujourd'hui dans le monde que la génération présente ne sait plus boire. « En ce cas, dit Burton, je vais vous donner une bouteille de vin de Porto. » Et se disant, il quitta la salle à manger. « Je suis bien aise que vous soyez venu aujourd'hui, dit Jones, avec un ton des plus sérieux. Il ne me donne jamais de ce vin-là, quand je suis seul avec lui, et quand il a du monde, jamais il ne songe à en offrir. Pensez-vous par hasard, Thomas, qu'il boive son vin tout seul ? Je ne sais pas quand il boit son vin, mais je sais très bien quand il ne le boit pas. » Le vin fut transvasé dans le cristal avec une précaution infinie, et Burton examina le liquide limpide et foncé avec l'œil fin d'un connaisseur. « Si, si, que pensez-vous de cela ? » dit-il à sa femme. « Elle sait apprécier un verre de bon vin aussi bien que vous, Harry, quand je lui en donne. » Tout en dégustant le vieux vin de Porto, ils se groupèrent en cercle autour du feu, et Harry Clavering fut forcé de s'avouer à lui-même qu'il n'avait jamais été plus content. « Ah ! » disait Burton en allongeant ses pieds enveloppés dans de chaudes pantoufles. « Pourquoi n'est-ce pas toujours l'heure qui suit le dîner ? C'est plus gai que le comptoir de la Delphi. » « Pourquoi ne boit-on pas toujours du vieux vin de Porto ?» dit Jones. « Passe pour le vieux vin de Porto. Si j'en buvais trop souvent, je deviendrais goûteux et quinteux. Mieux vaut encore la continuité du travail que celle du plaisir. Nul ne peut s'adonner d'une manière suivie au plaisir sans que cela devienne pour lui une fatigue. Allons, Harry. Je ne vous offre pas une seconde bouteille parce que Jones s'endormirait dans son imprimerie. » Ils montèrent alors tous ensemble dans la nurserie et embrassèrent les deux petites filles dans leur berceau. Quand il fut à la porte, sur le palier, Mrs. Burton, prenant Harry par la main, lui dit « Vous viendrez souvent nous voir, n'est-ce pas ? Et vous vous mettrez à l'aise chez nous ?» Harry n'eut pas de peine à répondre. Il le fit sans hésitation et avec plaisir, car il aimait son hôtesse et sa maison. « Nous vous regarderons, continua-t-elle, comme un des nôtres. Il n'en saurait être autrement, puisque Florence nous est chère par-dessus tout après nos enfants. » « Je suis heureux de vous entendre parler ainsi, » répondit-il. « Venez donc nous voir et causez d'elle. Je veux que Théodore s'habitue à avoir un frère en vous. Il importe pour votre succès dans les affaires qu'il en soit ainsi. » Il sortit, et en se rendant chez lui dans Bloomsbury Square, il se dit que la vie que l'on menait à Horsley Crescent était plus agréable que celle d'une certaine personne de Bolton Street. Quand il fut parti, il fut naturellement le sujet d'une conversation assez animée entre Théodore Burton et sa femme. « Il me plaît beaucoup, » disait Cécile Burton. « Il est infiniment mieux que vous ne me l'aviez dit. Il est plus agréable et a plus d'aisance dans ses manières, et sans aucun doute, il est intelligent, bien que cela ne paraisse pas tout d'abord. » « Pour être capable, il l'est sans aucun doute. » « Et ne le trouvez-vous pas agréable aussi ?»« Si, il s'est montré agréable ce soir. » Il est de ceux qui montrent leur bon côté avec les femmes. Vous tirerez de lui bien plus que je ne pourrais le faire. Il est tout prêt à causer avec vous, à rester assis à vos côtés pendant des heures si vous y consentez. Rien ne lui ferait plus plaisir. Vous ne le croyez pas paresseux? Songez un peu à tout ce qu'il a déjà fait. C'est là précisément ce qui lui fait tort. S'il n'avait pas déjà ce maudit grade universitaire, il se tirerait beaucoup mieux d'affaire. Mais ayant conquis ce grade, il s'imagine que les plus grosses épreuves de la vie sont passées pour lui. Vous ne le croyez pas aussi insensé, Théodore? Je sais très bien ce qu'il en est de ces gens-là, et le tort que leur fait leur érudition. Ils apprennent les noms des choses, des noms sonores et vides. Leur savoir ne demande ni beaucoup d'expérience, ni beaucoup de réflexion. Il ne faut que de la mémoire, et quand ils se sont farcis l'esprit de mots, ils croient posséder la science universelle. Mais au fond, de quelle utilité sont-ils au genre humain? Que savent-ils produire? Je crois qu'ils ont leur utilité. Je ne la vois pas. Un de ces hommes viendra vous dire, il en a la prétention du moins, quelle langue on parlait dans telle province, 600 ans, avant la naissance de Jésus-Christ. Je vous demande un peu ce que cela peut faire au genre humain, en supposant que ce soit vrai. Voyez ensuite l'effet de cette éducation sur ceux qui la reçoivent. À 24 ans, un jeune homme a obtenu des succès merveilleux et reçoit quelques titres bizarres. Alors il se croit un homme accompli, et il est trop vain pour rien vouloir apprendre. La vérité est qu'à 24 ans, un jeune homme n'a guère acquis que les rudiments de son éducation. Ce système est radicalement mauvais et ne fait que des hommes avortés et incomplets. Mais assez, je vais me coucher. Qu'aurait dit Harry s'il eût entendu tous ces propos tenus par un homme qui essuyait ses souliers avec son mouchoir de poche ?